Et maintenant, il y a Guillaume Auguiz. Non, si, tout de suite. Il s'y attendait pas. Bonjour les amis. Non. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors forcément, vous allez me dire quel lien avec l'Espagne? Ah, okay. Ah, non, ah merde, j'ai sauté une ligne en montant. Merde, c'est con. Je chantais que j'allais choper la France avec mon bonjour les amis cette fois-ci. On avait compris tous les mots en plus. J'avais répété avec un orthophoniste. T'es allé chez le coiffeur? Et paf, l'incident bête, complètement. Chez le coiffeur et l'orthophoniste, vous avez vu, cette semaine. Ça se joue à quoi? Mais non, c'est une ruse. Parce que c'est bel et bien une chronique parfaitement maîtrisée sur la situation en Espagne. Et mon lien avec l'Espagne, c'est Guillermo Guiz, évidemment. Guillermo Guiz, si c'était un hommage aux îles Féroé, ça se saurait. Faut pas être Lombard pour capter que ça pue la castagnette et les taureaux qui saignent. Olé. Par contre, c'est un pseudo. Et oui, je sais que c'est décevant, mais ça, c'est le musical, évidemment. Mais ton vrai prénom, c'est Guy. Eh oui, absolument. Quoi que Dick Rivers s'appelle vraiment Dick Rivers? J'ai vérifié, son nom, c'est Dick. Non, c'est Hervé Fournieri. Ouais, Hervé Fournieri. C'est pareil pour Leila, elle fait moins le manager chez Starbucks quand le serveur l'appelle par son nom de naissance. Ah, Jean-Marie, ton latte est prêt. Enfin bref, en tant qu'espagnol pur jus de mythomanie, ça me fait mal de voir le couple Espagne-Catalogne se déchirer de manière aussi glauque. Franchement, on dirait pas un vieux film d'auteur iranien comme ça, ou alors ma vie, avec l'un des deux qui fait à l'autre. J'ai besoin de ma liberté, putain, je crois que je suis dans une phase. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais à quoi ça a à voir avec qui? Hijo del pueblo, del montón, de la ciudad, de la passion. Et la Catalogne qui fait, tu sais, c'est pas parce qu'on est plus ensemble qu'on peut plus coucher ensemble. Mais tu crois vraiment que ce sera mieux quand tu seras seul? Joder, dit l'Espagne. Et la Catalogne est assez de répondre. En tout cas, t'arrêteras de me prendre la tête pour rien. Soit disant je te trompe, soit disant je te trompe, alors que ça arrivait que 9 fois ces 4 derniers mois. J'en peux plus, moi, de cette espèce de climat de suspicion. Hein, et t'es rentré bourré ceci, et t'as rasé le chien pendant son sommeil. Okay. Et t'as pissé dans les moules à glaçons. Oui, d'accord. Et t'as changé le mot de passe du wifi. Oh, alors que par parenthèse, grosse bite, tête, le tout en attaché. Voilà, non seulement c'est drôle, mais en plus c'est facile à retenir. C'est pas de ma faute si ta grand-mère a pas d'humour, merde. Et d'ailleurs, depuis quand on a besoin du wifi, cette vieille future morte? Et là, l'Espagne, blessée dans son orgueil, répond: qu'a-t-elle à voir dans cette affaire? Ne touche pas à ma grand-mère. Olé. Mais la Catalogne vient d'essayer à reprendre sa liberté. Continue. Qu'est-ce que ça change qu'on soit seul ou à deux? On n'est plus un vrai couple. Rien que le sexe. Au début, quand on faisait l'amour, c'était magique. Je mettais deux coussins sous tes fesses et on écoutait Bernard Lavilliers. Mais c'est devenu un automatisme. Il n'y a plus la fraîcheur. Et puis on va pas se mentir. Je vois bien que c'est à Bernard que tu penses quand tu jouis. Tout ça parce que c'est un baroudeur. Alors là, l'Espagne se vexe. Tu mélanges tout. Escúchame, hijo del cielo de la puerta de la mort. Escúchame bien, coño. Célibataire, tu vas en chier. Tu crois que tu vas niquer comme Ryan Gosling? En vérité, tu vas finir paniquer comme Jean Lefebvre. Ce sera du Rex 3 semaines et une vie à crème tendresse le restant de l'année. C'est ça que tu veux? Une vie à la Daniel Morin, hein? Tu te fantasmes en concurrent en Don Quixote? Pero no. Au lieu de regarder Top Chef à deux, tu finiras par regarder Top Chef tout seul et ta vie, au lieu d'être juste chiante, elle va être chiante et triste. Et là, évidemment, au moment de la dispute, la Catalogne fait: de toute façon, ça sert à rien de parler, tu pourras jamais comprendre à cause du fait que je suis quelqu'un de complexe. Mais dans sa tête, la Catalogne hésite. Il y a une partie d'elle qui sait que le célibat, surtout le dimanche, franchement, ça pue la soupe, quoi. Célibat du dimanche, c'est le ramadan émotionnel, vraiment. Il n'y a personne qui t'appelle, personne te WhatsApp, personne te pigeon voyageur. Vraiment, le mec qui a inventé l'expression vivement dimanche, il devait être en couple depuis, je sais pas, 600 ans, quoi. C'est vrai, les célibataires, ils se suicident le dimanche, c'est statistique, alors que les gens en couple se suicident toute la semaine. Il faut le savoir. Alors la Catalogne s'est dit, je vais quand même réfléchir, et elle dit à l'Espagne: écoute, je suspends provisoirement la rupture, mais sache une chose, c'est que je suis cassé, je suis lassé, j'en ai plus cassé, l'ardoise est chargée, fils, ça tu ferais bien de l'effacer. C'est vrai, les histoires d'amour finissent toujours mal, mais pas chez Ménélik. Allez, bonne émission. Yeah. Bien, merci Guillermo. France Inter, la bande originale.